Et après, sinon, ils descendaient l'acheter au village. Ils descendaient l'acheter, ils avaient des gros sacs qui remplissaient leurs sacs là de pain. Et ils montaient avec le sac de pain. Hein. Et ils mangeaient du pain rassis. Et c'était bon. Sûr. Mais c'est bon parce qu'il se conservait toute la semaine. Ouais. On mettait ça dans des grandes choses en bois. Mm-hmm. Pas dedans, on mettait tout le pain. Conservé. Comment il s'appelait? Alors on partageait au milieu, les pains ronds, comme ça, on partageait au milieu, on les faisait rôtir, on mettait du broussaille dessus. Oh, les broussailles. Après, on faisait encore rôtir. Les broussailles, vous savez pas ce que c'est, broussailles? Non. Ça pique. C'est du fromage de chèvre, ouais. C'est oui. Du fromage, je sais pas, c'est là-bas, comme... on a celle qui fait Michel, là-haut, là-bas, du fromage, du broussailles. Mon frère, l'autre jour, il est venu dîner, là, le jour de là. Il est parti, il m'a dit, je vais chez Michel chercher du broussin. C'est une espèce de fromage de chèvre, mais c'est comme de la crème, vous savez. Mais alors, il y a de l'ail dedans, ça pique. Ben, ils aiment ça. Autrefois, ils adoraient ça, le broussin. C'est du fromage qu'on vend pas dur, alors on le... On écrase. Mais à mesure, on ajoute dedans. Le broussin. C'était bon. Mon autre âge, quand j'étais jeune, maintenant. Oh, ça me plaît, hein. Ben, mon frère, il en a acheté l'autre jour. Chez Michel. Il, a acheté, ton frère. Il est allé chez Michel en chercher. Ah, il en avait. On en avait. Oh, bon, en bas, il tue. Marie de Renard. Ah oui. Non, moi, j'aime pas ça. Ça me fort. Oh. Le bousset, c'est ton nom. Le bousset. Voilà. Alors pour le vin, il descendait une fois par semaine. Mais je prenais plus souvent au maillon qu'ici. Ah oui. Parce que c'est bon. C'est bon. Les vins de campagne. Les brousses. Les brousses. Avec de lait de chèvre. Avec de lait de chèvre. Avec de lait de chèvre. C'est bon, les brousses. Elle faisait les brousses, elle faisait le fromage. Fromage. Et puis les fromages ronds, après les broussailles. Voilà. Les broussailles. Poissons. Alors les broussailles, quand on les descendait pas, on les mettait dans le broussail. Oui. Voilà. Vous comprenez? On la tournait tout ça, bon, de l'ail. C'est bon. Le broussin, c'est juste du fromage avec de l'ail? Oui, c'est du fromage tout amalgué, là, vous savez, tout écrasé. Et il y a de l'ail dedans. Et c'est fou. Oh non, il n'y a pas de l'ail. Si, il y a de l'ail. Mais si qu'il y a de l'ail. Voilà. Si. Moi, je dis, celui de Michel, il y a de l'ail. Ah oui? Oui, elle a dit à mon frère, il mettait de l'ail dedans. Ouais. Oui, il met de l'ail. Mais alors, il sent fort, ça sent fort, puis les gens, ils aiment ça, les vieux surtout. Ils font griller le pain, ils en mettent une tartine, ils le remettent le pain un peu sur la braise, là, puis ils mangent ça comme ça. Hein, alors, quand on était jeune, bon. Avec un oignon cru. Oh, alors, tu vas avec l'oignon. Avec une sève, les hommes, oui.